tout plan maléfique qui veut s'attaquer à nos vies, à nos familles, à nos parents, à nos enfants. Bien-aimés, c'est le moment d'implorer la puissance de Dieu dans nos vies. Le moment nous est donné. Nous allons renverser. Quelqu'un est en train de monter en prière. Nous allons retourner cette situation-là. Ces derniers temps, il y a des accidents. Monsieur Kamamoune, je tiens la main de gauche à droite. Ce sont des plans du diable. Nous allons renverser ces plans du diable. Que les 13 jours qui nous restent, nous allons les traverser avec succès. Parce que nous avons un Dieu puissant. Nous sommes en train de monter en prière. Et nous disons, toi, diable, toi qui combats ma vie, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucune puissance. De toucher à qui que ce soit. De Dieu, viens. De toucher ni à mon viens. Église, ni à ma famille, ni à mes dans enfants, ma vie, ni à mon mari. Esprit, je les couvre dans le sang du Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus. Quelqu'un monte en prière. Ô Esprit nous de Dieu, le Dieu. Viens. Nous n'avons que le Saint-Esprit, nous n'avons que Jésus. Dans ma vie, Esprit, viens, viens, les choses qu'ils invoquent. J'ai besoin de toi, viens. Certains invoquent. J'ai besoin de toi, oui, viens. Certains invoquent. Dans ma vie, Esprit, Esprit, Esprit, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Protéger Jésus. Nous n'avons qu'un seul nom. Le nom de Jésus. Nous n'avons qu'un seul nom. Le nom de Jésus. Descends et agis. Descends et touche. Descends et guéris. Descends et restaure. Le Dieu capable. Le même hier. Le même aujourd'hui. Le même éternellement. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous te désirons pas, Seigneur. Saint-Esprit, descend. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous te désirons. Comme les jours de la Pentecôte. Comme les jours de la Pentecôte. Comme les jours de la Pentecôte. Ici et maintenant. Ah Seigneur, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Les mouvements. Les tremblements. Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Pour la meilleure compréhension, nous avons besoin de toi. Pour le bon guide, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit. Le ciel est ouvert. Oui, tu bibles. Papa qui m'a. Tu bibles déjà bien. Dieu est déjà à ce lieu. Il écoute la prière. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. C'est sa promesse. Invoque-le maintenant. Il t'écoute du fond de ton cœur. Le Dieu qui écoute la prière. Le Dieu qui écoute la prière. De sa sainteté. Il nous amène. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui-même? Alléluia. Vous avez bien fait d'acclamer pour vous-même. Vous pouvez une fois de plus acclamer pour vous-même. Alléluia. Maintenant, cette fois-là, nous allons acclamer pour Dieu. Nous avons acclamé pour nous-mêmes. Mais cette fois-ci, nous acclamons pour le Dieu du ciel, le Créateur de l'univers, le Créateur de l'humain, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a vaincu la mort, le ressuscité du troisième jour. Alléluia. Nous pouvons un peu exagérer en acclamant pour lui, parce que nos acclamations ne sont pas à la hauteur de sa grandeur. Nous voulons lui donner une offrande qui vaut sa grandeur. Nous voulons lui donner une offrande qui vaut ses capacités. Nous voulons lui donner une offrande qui vaut sa protection. Nous voulons lui donner une offrande qui vaut la santé. Nous voulons lui donner une offrande qui vaut tout ce que nous avons eu cette année. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois exagérer en acclamant pour Dieu? Nous acclamons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité, celui que la mort n'a pas vaincu. Quand il dit un mot, la chose arrive. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il crée toutes choses par sa parole. Le premier jour, il a créé par sa parole. Le deuxième jour, il a créé par sa parole. Et le sixième jour, il a dit, créons l'homme à notre image. Ce Dieu puissant et merveilleux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien acclamé. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Amen. Nous allons maintenant louer le Seigneur. Pendant 7 minutes, nous allons le louer pour ce qu'il fait. Jésus. Nous voulons louer notre Dieu. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Alléluia! Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Jésus. Allez, Beta, Mabouk. Beta, Mabouk. Beta, Mabouk. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wa milele. Wa milele. Nous voulons déclarer qu'il n'y a point d'autre Dieu comme Jésus. Est-ce que tu peux bien le déclarer? Alléluia! On y va! Une, deux! Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Una bakia mungu wa milele milele baba bakia ya mungu, una baki ya mungu, una baki ya mungu wa milele. Una baki ya mungu, una baki ya mungu, una baki ya mungu wa milele milele baba. Baki ya mungu, una baki ya mungu, una baki ya mungu wa milele. Unitembea pamati mana kuita wa miujiza. Unabaki ya mungu wa milele milele baba. Baki ya mungu baba, unabaki ya mungu, baba yangu ni wewe. Unabaki ya mungu wa milele. Na mibenga bazambe bakenda ozobika kaka otika la zambe libela na libela Yesu. Baki ya mungu, unabaki ya mungu, unabaki ya mungu wa milele. Mami benga bazambe bakenda ozobika kaka otika la zambe libela na libela Yesu. Baki ya mungu, unabaki ya mungu, unabaki ya mungu wa milele. Oh, hakuna mwingine mungu kama wewe. Alléluia, Yesu alingaka, baye mbele. Oh, yemela ye. Oh, alléluia. Oh, mwamba ni nani ye. Oh, ni nani ye. Soyemba yosali zambe. Yosali zambe. Yosali zambe. Yosali zambe. Yosali zambe. Yosali zambe. Yosali zambe. Yosali zambe. Kombo na Yesu kombo e. Kombo na nguya. Kombo na Yesu kombo e. Kombo na nguya. Kombo na Yesu kombo e. Kombo na nguya. Come by your tobe telling me, Lola, be Lola, be Lola. Come by your, come by Yesu, come on, Anguilla. Abogina, Kembo, Sambo, yo, Moringa, Malamu, Sambo, yo, Abogina, Kembo. Zambo yo, refrain ya koyemba. Zam, abongina kembo. Nanwa na ye. Zambo yo, boninga malamu. Nanwa na ye. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour ce Dieu? Abongina kembo. Abongina louange. Abongina bikelekele. Abongina basifle. Bien-aimés, notre Dieu, il mérite tout ceci. Ensemble, Michijoué, où on a joué à Kikelekele, où on a joué à siffler, où on a joué à Pigamikono, où on a joué à I. Nous allons faire l'ensemble de tout ceci pour la gloire de notre Dieu. Est-ce que nous pouvons y aller pendant seulement quelques secondes? Il mérite tout ceci, notre Dieu. Voilà pourquoi nous allons l'adorer. Il mérite aussi notre adoration. Les paroles de nos cœurs peuvent une fois de plus monter vers son trône. Tu vas lui dire ce qu'il est. Qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour votre vie? Vous allez l'exprimer en quelques mots, signe d'adoration ou de reconnaissance. Quelqu'un incline sa tête et il adore ce Dieu. Je ne sais pas la position qui vous convient pour adorer notre Dieu. Prenez une bonne position. Prenez les mots qui vaut à la hauteur de sa grandeur. Je n'entends personne adorer Dieu. Jusque-là, personne n'est monté vers le trône. Jusque-là, la voix d'un adorateur n'est pas encore arrivée à ses pieds. Tous les êtres vivants pouvaient élever ce roi de gloire. Si tous les êtres sur terre pouvaient reconnaître combien il a fait, combien il a protégé, combien il a restauré, combien il a guéri. C'est Dieu qui a sorti plusieurs de la bouche du loiseau. Pendant que le lion était en train de circuler ça et là pour nous dévorer, toi, ange de lumière, tu rôdais autour de nous pour nous protéger. Le Seigneur éternel, Mungu ni sama. Le Dieu puissant, tu as existé avant toutes choses. Akuna, tu as existé avant que le monde ne soit. Kama, wewe. Tu existeras après que le monde soit. Quand tout ce que nous voyons passera, Kama, wewe. Ton trône restera. Règne pour toujours. Il y a des dieux sur terre. Si ta cosa n'a qui se sont donnés, mais qui n'ont pas eu la capacité de répondre au nom de Dieu. Sita kosa na kitu bwana yo sali masungi nanga yawe na kosanga ilokote. Jusqu'au trône de l'Éternel. La Bible me dit, les anges ne cessent de l'adorer nuit et jour. Là au ciel, ils ne cessent de se prosterner. Certains jetant leur couronne à ses pieds, disant Saint, Saint, Saint et l'Éternel, lui seul est digne d'être élevé, lui seul est digne d'être adoré, lui seul est digne d'être honoré. Le Seigneur recherche ce soir le vrai adorateur. Le vrai adorateur, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent par leur les membres en marche. Jésus, sois élevé. Jésus, tu es digne. Jésus, sois élevé. Jésus, tu es. Le maître des temps,

élever, Seigneur, ce soir. Pense à toutes les grâces de Dieu dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, il y a la semence. Si l'Éternel n'était pas pour nous, kama wa milele hakuweza kuya kungambo yetu, il nous aurait englouti tout vivant. Waliweza kutumaliza wazima. Béni soit l'Éternel Dieu. Abarikiwe huyu Mungu. Qui ne nous a pas laissé en proie à leur dent. Akutwacha mateka kungambo ya. Notre âme s'est échappée. Nafsi yetu iliweza kukwepa. Comme un oiseau du filet de l'oiseleur. Kama ndege katika nyavu ya mwindaji. Le filet s'est rompu. Na nyavu ilikatika. Et nous nous sommes échappés. Na sisi tulikwepa. Père, merci ce soir. Bwana tunasema asante mangaribi ya leo. Parce que tu continues à marcher avec nous. Sababu naendelea safari pamoja nasi. Tu continues à nous révéler Jésus-Christ. Naendelea kutufunulia tena Yesu. Plus tu nous le révèles. Zaidi unatufungulia. Plus nous marchons dans la victoire. Zaidi tena tunatembea katika ushindi. Plus nous comprenons le sens de notre vie. Zaidi tunaelewa maana ya maisha yetu. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Basi jina lako libarikiwe Bwana. Que ton nom soit élevé. Jina lako inuliwe tena. A toi l'honneur. Shimerudia kwako. La puissance et la gloire. Weso na utukufu. Nous prions ce soir. Basi tunaomba mangaribi ya leo. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Est-ce qu'on peut célébrer? Tunaweza kushangilia. Est-ce qu'on peut acclamer? Tunaweza kushangilia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tunaweza kumshangilia Bwana. Oh, gloire au Seigneur. Nous avons un Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia. Dieu vous asseoir. Basi mweza kuikala. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Tunasema Bwana wabariki tena kwa utele. Nous continuons notre marche. Tunaendelea safari yetu. Nous vous fortifions dans le Seigneur. Tunawatilia nguvu katika Bwana. Alléluia. Amen. Aujourd'hui c'est le 15. Leo ni mnapo tarehe 15. C'est ça. Le 15. Napo tarehe 15. 16 jours. Unabakia siku 16. Pour terminer l'année. Njoo kumaliza mwaka. Oh, que c'est merveilleux. Ni kiema kabisa. Vous savez que la vie de l'homme peut changer en une seconde. Na yua maisha mwanadamu za kubadilika dakika moja tu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de jours. Mungu aitajie masiku nyingi. Paul, sa vie a changé en une seconde. Kwa ajili ya Paulo maisha yake ilibadilika dakika moja tu. Tout à coup. Maana yake kwa ghafla tu. À partir de ce moment-là, sa vie a changé. Tangia wakati ile maisha yake yote kugeuka. Alléluia. Amen. Ta vie peut changer en une seconde. Maisha yako yanaweza kugeuka tu dakika moja. Peut-être que la seconde c'est maintenant. Mara hii ile dakika ndio sasa hivi. Alléluia. Amen. Sois seulement attentif à ce que Dieu est en train de faire. Keba tu ange kazi ile Mungu anafanya. Applique-toi. Donne-toi. Ujitoe tu kabisa. Fais confiance au Seigneur. Na weka tumaini yako ndani ya Bwana. Cette semaine, nous commençons une semaine merveilleuse. Et juma tena tunaanza juma nzuri kabisa. Tantôt la technique va nous aider à présenter l'orateur de cette semaine. Ngamba fundi mitambo mtutambulishe kwanza mhubiri wa juma. Et là, je me dis c'est vraiment Dieu qui a permis cela. Hapa nasema ni Mungu mwenyewe pekee yake anaweza kuruhusu maneno haya. Pendant que je priais pour ce programme de Mulima 30. Wakati anza kuomba matengenezo ya Mulima 30. Le premier orateur on a parlé avec lui. Mobili wa kwanza tuweza kuongea naye. Le deuxième orateur on a parlé avec lui. Wa pili naye tuliongea naye pamoja. Le troisième on a parlé avec lui. Wa tatu vile vile. Le cinquième on a parlé avec lui, il m'a donné la fin. Wa tano tuliongea naye nilipatia na kumwisho. Katikati palikuwa ukiwa, nisema Bwana ni nini sasa? Et je priais. Nilikuwa naomba. J'avais ça à l'esprit. Je vais à Lubumbashi. Naenda pale Lubumbashi. J'avais rendez-vous avec un ami. Mais j'ai dit non, j'entre d'abord prendre les photos sur. C'est moi pour. Tukamate kwanza mapicha. Miroir, voilà. Il y a un studio de photos miroir. On va faire moi kule, tuweza kamata kwa mapicha. Et puis je vais aller répondre au rendez-vous de mon ami. Kisha tena nitaite kujibia kwa ile mapatano na rafiki yangu. Naingia. Quand on prend la photo. Baini kamata picha. Je vais sortir. Effectivement, j'avais l'esprit, je ne savais pas comment je vais contacter le. Natoka sema tamupata huyu na mwanakani. Quand je sors, je le vois. Je dis, hey, wakati natoka tu namuona, hey, bwana, ni nini sasa? Et tout d'un coup, je lui ai dit. Namukaribia na mambia. En tout cas, j'avais à cœur de vous contacter. Nilikushika moyoni ili nikupate. Paka ni siku moja, saa moja, tatizo iko yako, sitafanya kazi. Gloire au Seigneur. Sifa kwa bwana. Je voulais être pressé pour le laisser aller rencontrer mon ami. Du coup, araka ya kutoka na kumwacha na kwenda kukutana na rafiki yangu. Je vais aller rencontrer. Wakati nasema nikakutana jirani wangu ule. Ule jirani naye tena ari karibia. Il prend le téléphone, il l'appelle. Anakamata simu anaita. Quand je lui dis non non non pas toi, lui quand il m'appelle. Même si je devais t'attendre pendant 2 heures, j'allais t'attendre pendant 2 heures. Tunaongea hata wakati mrefu kabisa ni vile. Et Dieu a occasionné une chose. Mungu aliruhusu mambo vile ifanyike. Et j'ai compris que ça c'est la main. Niweza kuelewa kama hii ndio mkono ya Bwana. Tunaweza kuchapa makofi. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais demander la technique. Bila kawia tunalomba ngambo ya fundi mitambo. Présenter l'homme de Dieu. Atusaidie batambulishe mwenye mhubiri. Oui, ma 30. Édition 2025 connaîtra la participation du docteur David Kateba en qualité d'orateur. Le docteur David Kateba est un homme de Dieu. Oui, ma 30. Édition 2025 connaîtra la participation du docteur David Kateba en qualité d'orateur. Le docteur David Kateba est un homme de Dieu de foi, converti en 1991, et 3 ans plus tard, il débute son service au sein de la 30e communauté pentecôtiste et devient prédicateur en 2001 à la nouvelle cité de David. Depuis 2005, le docteur David est pasteur associé à la paroisse mère de la communauté des églises évangéliques La Conquête, guidée par le révérend Josué Romain Casadi. Docteur de ministère depuis 2019, il rejoint la plateforme d'Allo Ministries en 2021, où il sert à ce jour sous la couverture de l'apôtre Roland Dalou. Donc le service de Dieu sont soumis à la loi de la reproduction de son modèle. Et c'est ça qui fait l'autorité de Dieu. Je veux dire ceci, si Dieu est autorité dans sa maison, c'est parce que dans cette maison-là, si Dieu est autorité dans son service, c'est parce que dans ce service-là, il faut y reproduire rien que son modèle à lui. Si vous apportez un autre modèle, c'est comme si vous y introduisez une autre autorité et ça ne va pas marcher. Initiateur de la conférence des leaders, assistant fort et efficace, il est reconnu pour ses enseignements percutants et son engagement dans la foi chrétienne. Marié à maman Thérèse Kateba, avec qui il a 4 enfants. Église source féconde, lèvons-nous et accueillons ensemble l'homme. Est-ce qu'on peut le faire pour le grand roi? Tu peux pousser des cris de joie. Et tu n'as Jésus. Piga quel est le Dieu Aïeus. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Niyeye mwalimu wa nyakati na majira. Le Seigneur de gloire. Amen. Bwana wa utukufu, Bwana unyanyuliwe kwa hii wakati. Et sois glorifié pour ce temple. Na utukuzwe kwa ajili ya kanisa yako. Sois glorifié parmi tes fils et filles. Utukuzwe kati ya watoto wako. Que ton nom qui est le plus élevé de tous les noms. Basi jina yako yenye na kuwa yulu ya majina yote. Manifeste encore l'autorité de ton esprit en ces lieux. Tukuza tena mamlaka ya roho yako panafasi. Et que surtout tu nous exauces parce que nous sommes de ta maison et nous t'appartenons. Na upate kutukubali kwa maana tunakuwa wa nyumba yako na tunakuelekea mujina la Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Basi Bwana mibariki. Amen. Merci au couple pastoral. Asante kwa Josi ya pastori. De nous faire confiance. Kwa kutuwekea tumaini. De nous prêter leur chair. Na kutupatia mimbali yao. On donne la chair à ceux qui sont chers. Wanaleta mimbali kwa wenye wanakuwa na bei. Lorsqu'on vous donne la chair, ça veut dire que vous faites partie de ceux qui sont chers. Wakimipa mimbali ni kusema unaelekea kati ya watu wanakuwa na bei. Merci pour cette main d'association. Asante tena kwa hii tena utungu. Et merci à tous les serviteurs et à toutes les servantes. Na asante kwa watumishi wote wanakuwa kando kando nanyi. En particulier le frère Guy avec qui nous sommes venus. Kwa peke ndugu Guy, est-ce que kwapo? On a fait chemin ensemble. Tulitembea naye pamoja kwa pale. Un bon moment dans le véhicule. Tulipitisha nyakati mzuri ndani ya gari. Merci à vous tous qui êtes là. Asante kwa wote mnakuwa hapa. Je reconnais le couple des jeunes frères de mon filleul Joyce. Najua tena Joyce ya ndugu Joyce. Mungu amibariki. Est-ce que vous pouvez acclamer pour célébrer d'abord le couple? Eti mnaweza tena kushangilia kwa ajili ya wepo hapa. Et puis acclamer également pour vous-même. Et tu mnaweza kushangilia juu yenu wenyewe. Gloire à Dieu. Sifa kwa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Basi Mungu ambariki. Le thème de toute cette semaine Shina ya mwaka mzima ni le thème de l'année mais avec un sous-thème particulier pour na nous. Na shina ndogo tena juu yetu. Va avec enda pamoja la force que na nguvu yenye tu as unakuwa nayo. Mais nous allons aller plus vers affronte ta tutaenda zaidi na kusema kuchambulia na ujio wako. Tu dois unapasha présent kuwa tayari dans les batailles liées à ta destinée sur mama ukomvi inambatanishwa tena na ujio wako. Nous lisons le texte Juges chapitre 6 verset 14. Tunasoma basi usomi wa Mwanzo 6 verset 14. Et nous allons associer Ephésiens chapitre 3 na verset 20. Efeso, sura ya tatu vesi shirene. Et puis on rentre encore dans Juges chapitre 6 de 25 à 26. Na tutarudia Muamuzi 6 kuanza tena 25 mpaka 26. Juges 6 14. Muamuzi 6 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: wa milele kamgeukia na kusema: va avec la force que tu as. Nenda pamoja na uwezo unanayo. Et délivre Israël de la main de Madian. Komboa Israeli toka mikono mwa Midiani. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je si ni mimi nakutuma. Amen. Amen. Regardez que ça finit par une question. Mutaona imemalizika na swali fulani. C'est très important. Iyo ni ya muhimu. Ephésiens chapitre 3 verset 20. Wa Efeso sura ya 3 verset 20. Dans Juges nous dit va avec cette force que tu. Muhamuzi anasema enda na nguvu yenye unakuwa nayo. Et regardez Ephésiens 3 20 la Bible dit. Na tazame Efeso sura 3 20 inasema oh à celui qui peut faire. Kwa mwenye anaweza kutenda. Par la puissance qui agit kupitia mamlaka yenye natenda wapi? Ondo. Ndani yetu. Infiniment. Kwa utele. Au-delà de ce que, de tout ce que nous demandons. Kwa zaidi na yenye tunaomba. Ou. Au. Pensons. Amen. Amina. Il y a une puissance qui agit en nous. Kuna kuwa uwezo fulani natenda ndani mwetu. Et Dieu na Mungu peut faire par cette puissance anaweza kutenda kupitia hiyo mamlaka en nous kutimiza ndani mwetu infiniment au-delà de quoi kwa utele zaidi ya nini de ce que nous demandons ya enye tunaomba ou au pensons yenye tunazania. C'est très important. Hiyo ni ya muhimu. Entrons dans Juges. Turudie Muhamuzi. Au chapitre 6. Sura yake ya 6. C'est là que nous voyons l'affrontement de sa destinée. Mapinzani ya ujio wake. Dans la même nuit. Basi usiku ule ule. L'Éternel dit à Gédéon. Wa milele kamwambia Gideoni. C'est ça qui est terrible. Ni yenye nakuwa ya mastajabu. Il lui demande d'aller prendre les choses de son père. Akamuomba kwenda kuchukua vitu vya babae. Prends le jeune taureau de ton père. Beba ngombe mdogo wa baba yako. Et un second taureau de 7 ans. Na ngombe wa pili wa miaka 7. Amen. Amen. Regardez bien. Tazameni vizuri. C'est avant de lui demander de renverser l'autel qu'il lui demande d'abord de prendre les taureaux. Ni mbele ya kumuomba kuangusha mazabao akamuomba kubeba tena ngombe. C'est que tu ne renverses pas certaines choses si tu n'as pas encore certaines choses. Ni kusema hauwezi kuangusha vitu vingine kama ya kuwa na mambo machacho mikononi mwako. Parce que on ne t'appelle pas à une destinée de quelqu'un qui renverse, tu as une destinée de quelqu'un qui bâtit. Kwa maana hawakuite kujio ya mtu mwenye ana kuanangusha lakini unakuwa unajua mtu mwenye anajenga. Renversement, ce n'est qu'une transition avant que tu ne bâtisses. Kuangusha ni mambo inakuwa katikati ya mbele upate kujenga. Ne spécialise pas ta destinée à renverser, tu ne vas rien bâtir. Usiweke ujio wako mkuangusha uwezi kufanya kitu. Et la Bible dit. Na Bible inasema. Renverse l'autel de Baal. Angusha mazabao ya Baali. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Na basi weka tena ile ashara inakuwa juu yayo. Tu bâtiras, utajenga. Ensuite, mukukimbia. Donc ta destinée, ni kusema ensuite, ujio wako, c'est une destinée de bâtisseur. Ni ujio wa wenye wanajenga. Le renversement n'est qu'une partie. Kuangusha inakuwa tu upande fulani. La suite de ta vie. Lakini kisha ya maisha yako. Se fait avec ce que tu bâtis. Inakuwa nafanyika kwenye unajenga. Après avoir kisha détruit. Kuharibu. Amen. Amen. Il dit, akasema, tu bâtiras ensuite utajenga et tu disposeras na utaweka sur le haut lieu de ce rocher bafazi ya juu ayo majue, un hôtel à l'Éternel mazabau kwa wa milele, ton Dieu Mungu wako. Amen. Amen. Tu prendras le second taureau et tu offriras un utabeba holocauste wa pili na utatoa sadaka avec le bois de l'idole que pamoja tu auras na miti yenye utakuwa nayo abattu yenye utapata kujenga nayo. Mungu amibariki. Nous allons travailler dans un système où je vais prêcher, on prie. Tutatumika mwali ya kuhubiri, je prêche, on prie. Na tunaomba kisha yake. Amen. Amen. C'est un temps de prière. Ni wakati ya maombi. Mais avant d'y aller, na kabla ya kuendelea, je voudrais nous donner la première base de la première étape. Kuleta tena msingi ya kwanza ya hatua ya kwanza. Amen. Amen. En chacun de nous, kwa kila mmoja wetu, il y a une force, unakuwa nguvu fulani, dont Dieu a besoin yenye Mungu analazimisha pour libérer le maximum de sa force à lui. Kwa ajili ya kukomboa tena tele ya nguvu yake. Amen. Amina. C'est que Dieu commence par déposer en nous. Ni kusema Mungu eko nanja mukuweka ndani. Une force. Nguvu fulani. Et cette force là qu'il dépose en nous. Ile nguvu anaweka ndani yetu. Il en a besoin anailazimisha pour qu'il mette kwa ajili aweke sa toute puissance en opération yake yote mkutenda, en voyant que kukuona kama nous faisons avancer la force qu'il nous a donnée. Tunakuwa naweka ile nguvu mkuendelea. Amen. Amina. Souvent quand nous parlons de force, nous allons vers les muscles. Wakati tulikizungumzia nguvu tunahusu na mifupa. Mais quand Dieu parle de force, il est vers la pensée. Lakini Mungu akizungumzia nguvu anakuwa ndani ya nia na mawazo. Amen. Nous comprenons. Eti tunaelewa. Et quand nous sommes dans le domaine de la pensée, na wakati tunakuwa hatua ya mawazo, nous sommes dans le domaine tunakuwa mkiwango de la parole non encore prononcée. Ya neno yenye hayatamkiwa. J'espère que Nazania, chacun de nous sait très bien kila mmoja wetu anajua vizuri que quand tu penses, tu parles en toi-même. Kusema wakati uko na waza uko nasema ni ndani yako mwenyewe. Ça veut dire ni kusema penser, c'est parler en soi-même. Waza ni kusumumuza ndani yako mwenyewe. Et parler, c'est faire entendre aux autres ce qu'on pense. Kusema ni kusikiliza kienye unakuwa na waza. On se comprend à ce niveau. Quand je pense, je parle en moi-même. Et quand je parle, je pense à haute voix. C'est que penser et parole, c'est la même chose, mais dans des champs différents. La parole, c'est au niveau de la bouche, dans le domaine audible, mais la pensée, c'est la parole à l'intérieur de l'homme. Il n'y a que lui-même qui s'entend à l'intérieur. Amen. Amen. Et la clé qui libère les capacités ou les forces qu'il y a en nous, c'est notre manière de penser. C'est pour ça que la Bible dit que il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Demander est égal à penser. Demander, c'est parler. Et penser, c'est demander sans parler. Ça veut dire chaque pensée en nous est une demande qui peut mettre Dieu en opération en fonction de ce que tu penses. Wow. C'est ça. J'espère que chacun de nous commence à comprendre qu'il ne faut pas jouer avec le domaine de la pensée. Job a compris ça. Il a dit à Dieu, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Dieu est esprit. Mungu yeye ni ro. Et les esprits fonctionnent avec la pensée. Les esprits n'ont pas de muscles. Les esprits ont la force dans la pensée. Si tu sais que tu es esprit, ta force, ce n'est d'abord pas tes muscles. C'est ce que tu penses faire avec tes muscles. Même l'utilisation des muscles exige ce qu'on pense. C'est ça. Wow. Amen. Amen. Pasteur Désiré, ce qu'il y a de dangereux dans ça, c'est que Dieu répond à ce que nous pensons. Il prend ça comme base pour faire infiniment au-delà. Maintenant, si ta pensée est négative, ça veut dire Dieu va prendre sa toute puissance, la multiplier avec le négatif. Tu vois ce que ça va donner. Wow. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que c'est la fondation que vous allez donner à Dieu pour qu'il prenne la possibilité de multiplier à l'infini ce qu'il trouve au-dedans de vous. Si Dieu trouve les soucis en vous, qu'est-ce qu'il va faire? Wow. Il va multiplier. Il faut faire attention. Ici, Dieu se présente comme un amplificateur. Les baffles là que vous entendez, ce n'est pas les baffles qui ont ma voix. Ma voix, je l'ai. L'amplificateur prend ma voix, envoie aux baffles et vous, vous entendez. N'est-ce pas? Dieu est comme ça aussi. Ce que tu penses là, lui deviendra un amplificateur et ça sortira dans ta destinée en fonction de ce que tu penses. C'est pour ça qu'il dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler davantage. J'avais dit, je vais amplifier ton attitude. Amen. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est engageable par notre pensée, même quand on ne lui parle pas à lui. Amen. Ça vous étonne, hein? La femme à la perte de sang. Parler à qui? Wow. Elle parlait de qui? Elle parle à elle-même de Jésus. Même pas de Jésus, de la robe de Jésus. Et Jésus se sent engagé parce qu'elle se dit elle-même à propos de sa robe. C'est que ta pensée peut engager Dieu sans que tu ne lui parles comme ça. Et qu'est-ce qui l'engage? C'est ta foi. Hey. Wow. En fait, ta foi, c'est ta manière d'imaginer ce que Dieu est capable de faire. Et tu as pris l'imagination dans la parole qu'il a donnée. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? La parole contient des images. Nous entendons. La parole, Neno, c'est un transporteur des images. Si vous ne captez pas les images de la parole, vous serez en désaccord avec Dieu. Est-ce que je peux donner un exemple? Qu'est-ce que c'est ça? Un mouchoir. Si je dis amenez-moi un mouchoir, vous m'amenez un panier. Qu'est-ce qui se passe? On a un désaccord sur l'image. Je t'ai envoyé par la parole l'image d'un mouchoir, mais tu ne l'as pas capté. Dans ton esprit, tu penses que panier est égal à mouchoir. On est en désaccord. On ne peut pas avancer. Tu ne peux pas avancer avec Dieu si vous n'êtes pas en accord sur les images de la parole. C'est pour ça qu'il dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui répond, tu as bien vu, je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Ça veut dire quoi? Si tu aurais mal vu, je n'irais pas derrière ma parole. On serait en désaccord. Qu'est-ce qui se passe avec plusieurs vies? Les images que nous avons en nous ne correspondent pas aux images de la parole de Dieu. Amen. Je peux vous donner un petit exemple. L'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu ne prend pas soin de vos soucis. Il prend soin d'eux. Vous. Mais le problème, c'est que quand nous allons devant Dieu, nous voulons que Dieu prenne en charge nos soucis. On est en désaccord. Dieu ne va jamais prendre soin de tes soucis. Dieu attend le déchargement de tes soucis pour que lui entre dans l'engagement de prendre soin de toi. Aussi longtemps que tes soucis sont en toi, il ne va pas prendre soin de toi. Il attend que tu te décharges, que tu n'aies pas de soucis, et là il prend soin de toi. Amen. Amen. N'amène pas Dieu à s'occuper de tes soucis. Dieu s'occupe de toi, pas de tes soucis. C'est ça. On commence à se comprendre. Hein? Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit, Bible, elle se disait à elle-même, lorsque tu es avec toi-même, tu t'ennuies ou tu t'épanouis. Il y a des gens, quand ils restent lui-même, ils le déclarent même. Je m'ennuie, ça veut dire, tu es un ennui pour toi-même. Donc si tu t'ennuies, comment veux-tu que Dieu t'épanouisse? Si toi-même là, tu t'ennuies, tu es un ennui pour toi-même. Comment est-ce que Dieu va épanouir la vie de celui, quand il est avec lui-même, il s'ennuie, il est un ennui. Je m'ennuie, tu le dis même. Je m'ennuie, je suis un ennui pour moi-même. Je m'ennuie. Quand tu es seul, à quoi tu penses? À qui tu penses? Et ce qui est intéressant, pour que la pensée s'épanouisse, c'est le questionnement, les questions que tu te poses. C'est pour ça que Dieu dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça veut dire, je te pose une question, que tu réalises qui t'envoie. Le type de questions que tu te poses détermine le type de destinée que tu auras. Si tu as des petites questions, tu auras une petite destinée. Si tu as des grandes questions, tu auras des grandes destinées. C'est pour ça que Jésus a commencé à poser des questions depuis 12 ans. Il est allé s'asseoir avec les docteurs de la loi. Il les interrogeait. Ça, il ouvrait son esprit à partir du questionnement. Et entre Dieu et Gédéon, il y a eu des questions. Et Dieu est allé vers Gédéon parce qu'il y avait au-dedans de lui des questions qu'il s'est posées. L'Éternel ne va pas n'importe qui. Dieu ne va pas vers des fainéants, des gens qui acceptent n'importe quelle situation sans se poser des questions. Lorsque l'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, Gédéon n'a pas dit gloire à Dieu, Dieu est avec moi. Question: si l'Éternel est avec moi, pourquoi tout ceci m'arrive? Apprends à te poser des questions. Si Jésus est avec toi, pourquoi tout ce qui t'arrive là est en train de t'arriver? Et puis pose la deuxième question: où sont les prodiges dont nos pères nous ont parlé? Ça veut dire, son cœur cherchait le miracle. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il entendait ça au fond de lui. C'était en forme de pensée. Et quand Dieu regarde dans l'Israël, il voit un jeune homme en train de se poser des questions. On nous a dit que Dieu fait des miracles. Où est-ce que c'est ces choses-là? Et quand tu as entendu cette pensée-là, il est allé chez Gédéon pour le regarder et lui dire, va avec la force que tu as. Et cette force-là, c'est la frustration de l'échec. Je sais. Si l'échec ne te dit rien, si avant d'échouer pour toi, est égal à après avoir échoué, allons au cimetière, reste là-bas. Il y a des gens insensibles, ça échoue sans leur dire rien, ils récupèrent abusivement toutes choses qu'on court. Apana. Et ce que j'aime avec Dieu, il est attiré par le questionnement de Gédéon. Il a vu que ce jeune homme a commencé à exploiter sa force en se posant des questions. Et lui apporte le go. Le go. Va. Enda. Wende. Va. Amen. Amina. Nous n'avons pas un problème de manque de force. Nous avons un problème de mauvaise pensée avec nos forces. C'est ça qui empêche à Dieu de nous donner le va. Mungu kutupatia ile kuenda. Nous comprenons. Et tu tunaelewa. Lorsque Dieu te donne un ordre, wakati Mungu ankupatia jina, il libère la puissance de son esprit dans l'ordre qu'il te donne. Tout ce que tu cherches, ça ne doit pas être des choses. Cherche l'ordre de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu Mungu fait avec les ordres. Quand Dieu donne un ordre, il est en train de faire. Pour Dieu parler, c'est ça faire. Au commencement était quoi? La parole. Neno. Toutes choses ont été faites par la parole. Neno. Ça veut dire Nikusema, quand Dieu parle, il est en train de faire. Amen. Le problème avec toi, c'est que toi, quand tu parles, tu as l'impression que tu parles. Non, attention, quand tu parles, Dieu est en train de faire. Tu dois savoir que parler est égal à faire. Un esprit fait en parlant. Dieu est esprit. Quand il parle, il fait avec ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut me donner Ézéchiel chapitre 2? Premier verset. Et même deuxième verset. Ézéchiel chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Pendant qu'il disait ça, il faisait. Verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir debout sur mes deux pieds. Qu'est-ce que l'ordre disait? Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Pendant qu'il disait tiens-toi, l'esprit est sorti pour faire ce que Dieu a dit. Il entre en Ézéchiel, il le fait tenir sur les deux pieds, et Ézéchiel dit, veut dire, quand Dieu t'adresse sa parole, tu deviens l'adresse de l'accomplissement de cette parole. Quand il adresse la parole, tu deviens son adresse d'accomplissement de ce qu'il a dit. Et l'esprit est en toi. Il l'a fait tenir debout sur ses deux pieds. Comment tu te considères? Est-ce qu'il t'arrive de penser à toi-même? Ou bien tu es simplement soucieux de ce qui t'arrive? Quand tu penses à toi-même, quelle est l'image que tu as de toi-même? Et la première chose que Dieu vient faire, avant qu'on entre dans la prière et retourner, c'est de changer en Gédéon l'image qu'il a de lui-même. Comment il s'appelle? Gédéon. Gédéon. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on lui a donné comme nom chez eux. Dans le quartier, on l'appelle Jérubal. Ça, c'est le nom qu'il y a dans leur société. Mais le ciel ne l'appelle ni Gédéon, ni Jérubal. Le ciel l'appelle vaillant héros. Ça veut dire, tu ne dois pas être façonné par la société où tu es. Tu dois avoir une image de toi, de ce que le royaume et le ciel pense de toi, quelles que soient tes conditions sociales. Et celui que le ciel appelle vaillant héros, excusez-moi d'en parler en swahili. Aranza kuipika tumpompo toa kufuchika pana toa kujisha. Ouais, le petit pain ici. Et on a tuipika. Apana toa kujisha. Il battait les fromages non pour vendre, mais pour aller cacher. Et quand le ciel voit cet homme-là, il l'appelle vaillant héros. Mais vous pouvez l'appeler pauvre, non? Mais quand le ciel regarde cet homme-là, il l'appelle vaillant héros. J'aimerais que tu apprennes à dire que le faible dise je suis fort. Que le faible dise ça veut dire, Dieu t'appelle à te révéler des conditions qui te limitent. Et Dieu t'appelle à t'appeler du nom de ta gloire à venir pour qu'il mette sa puissance en action et t'amener à cette gloire-là. En médecine, si tu n'as pas prêté serment, on ne t'appelle pas docteur. C'est le serment qui te fait appeler docteur. Mais chez Dieu, tu prêtes serment avant de commencer les études. C'est ça qui est terrible avec Dieu. Il a demandé à Gédéon de prêter serment de général d'armée pendant qu'il est encore boulanger. J'aimerais dire à quelqu'un, appelle-toi des promesses de Dieu pendant que tu es dans le contexte de ces promesses-là. Il n'a pas été à l'armée. Il n'a jamais été scout. Même pas Louveto. Mais on l'appelle vaillant héros pendant qu'il fait des petits pains afin de le mettre à l'abri. Comment tu t'appelles? Quel est le nom que tu as à ton esprit par rapport à toi-même? Est-ce le nom que tes conditions difficiles t'ont donné? Ou bien est-ce le nom que le ciel te reconnaît? J'aimerais que tu te reconnaisses du nom de Christ. La Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tiens-toi debout, nous allons prier. Wow. Regarde un peu à tous tes problèmes et puis dis-le. Vous n'avez pas constaté que je suis là malgré que vous êtes là? Quelle que soit votre ampleur, Je suis toujours là. Tu vas confesser que tu es plus que vainqueur dans tout ce qui t'est arrivé. Si c'était plus fort que toi, on t'aurait déjà enterré. Puisque tu tiens encore, c'est parce que tu es plus fort. Tu es plus résistant. Tu es plus puissant. Tu es capable de vaincre ces choses. Tu es en leur présence encore puissant, encore vivant. Et la Bible déclare tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça triomphe du quartier. Ça triomphe de la ville. Mais triomphe du monde. Même si le monde entier se ligue contre toi, tu es plus que un cœur. Commence à le confesser. Commence à le prier. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur éternel. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis né de toi. Je suis né de l'Esprit. J'ai été engendré par la parole puissante et la parole permanente. Cette parole a tout commencé. Elle a tout créé. Elle a tout amené à l'existence. Elle tient toutes choses. Elle soutient toutes les choses. Oui, tu tiens ma vie. Entre tes mains. Laisse que je puisse te lever. Laisse que je puisse te glorifier. Je te bénis pour ma vie. Je te bénis pour ma destinée. Elle est façonnée par ta parole. Elle est façonnée par ta destinée. Oh, Dieu de gloire. Que toi tu as fixé. Oh, Dieu de gloire. Et la Bible le déclare. Les destinées sont entre tes mains. Oui, je célèbre ta grandeur. Je célèbre ton autorité. Je célèbre ta présence. Je célèbre ta puissance. Je célèbre tes victoires. Je célèbre tes triomphes. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui nous a introduits dans un cortège de victoire. Je t'élève. Je te célèbre. Je te bénis. Je t'adore. Toi qui es mon Dieu. Merci. Merci. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais ce soir. Je reconnais ce soir. Encore une fois. Encore une fois. L'autorité de ta parole. L'autorité de ta parole. Sur ma vie. Sur ma vie. Je reconnais. Je reconnais. L'autorité de ta promesse. L'autorité de ta promesse. Sur ma vie. Sur ma vie. Ma destinée. Ma destinée. Est façonnée. Est façonnée. Par tes promesses. Par tes promesses. Ma destinée. Ma destinée. Est entre tes mains. Et entre tes mains. Quelle que soit. Quelles que soient. Les conditions. Les conditions. Dans lesquelles je suis. Dans lesquelles je suis. Ta fidélité. Ta fidélité. Et mon bouclier. Et mon bouclier. Ce que tu as dit. Ce que tu as dit. Va s'accomplir. Va s'accomplir. Et je crois en cela. Et je crois en cela. Au nom de Jésus. Tu acclames le Seigneur. On a changé à Buana. Nous passons à la deuxième étape maintenant. On a pita kukipande ya pili. C'est l'étape. Ni kipande. De l'affrontement de notre destinée. Ya utungo wa ujio wetu. Amen. Amen. Lorsque la Bible parle de Gédéon, wakati Biblia inazungumza kuhusu Gideon, on le présente pas seul. Awamtambulisha mwenyewe. On le présente. Wanakuwa namonesha en rapport avec son père. Kulinganishwa na baba yake. N'est-ce pas? Sine vile. On dit Gédéon, fils de Joas. Anasema Gideon mtoto wa Yoas. Et même quand Dieu lui donne des ordres, hata wakati Mungu alimpatia na marusa, il épingle son père. Alikuwa na mfulinganisha na baba yake. Il prend les taureaux qui sont à ton père. Sema beba ngombe nelekea baba yako. Renverse l'autel de Baal. Vunja mazabao ya Baal yenye nelekea baba yako. Et le pieu sacré qui na ayo tena mashare na kuwa juu yake. Amen. Amina. Si vous voulez affronter penda basi ku pigana victorieusement votre destinée kuwa mshindi na mjio wenu, Voici deux choses tazama vitu mbili fondamentales que vous devez comprendre. Ya muhimu bien mnapasha kuelewa. La première. Kitu kya kwanza. Vous avez noté les deux choses, mais si on ne termine pas les deux aujourd'hui, on va continuer avec la deuxième demain. Prenez d'abord la première. Mubebe ya kwanza. La destinée de toute postérité ujio ya kila kizazi transporte à son démarrage inakuwa na beba mumwanjo yayo l'héritage des conditions créées par les pères mauriti ya masharti yenye liumbwa na baba. Je répète, narudiria, la destinée de toute postérité, ça veut dire de tout celui qui a été engendré, mwenye alizaliwa, transporte à son démarrage inakuwa na beba ku mwanzo yayo l'héritage des conditions créées par mauriti yenye masharti baba aliweka. Vous avez noté? Umeandika? Vous avez saisi? Au munashika. Je répète en expliquant. Narudiria mkufasilia. Si vous n'êtes pas kama auna la première personne à vivre, mutu wa kwanja mkuishi, ça veut dire que nikusema vous êtes enfant de quelqu'un. Unakuwa mtoto wa mtu fulani. Vous êtes une postérité. Unakuwa mzao wa kizazi fulani. Il n'y a que Adam humainement parlant. Tu Adam mwenye asikuzaliwa. Qui n'a jamais été postérité d'un homme. Mwenye hakuwa tena mzaliwa wa mtu fulani. Adam est postérité directe de Dieu. Adam yeye ni mzaliwa wa Mungu mwenyewe. Quand vous lisez Luc chapitre 4. Mukisoma Luka sura 4. On vous présente la généalogie de Jésus. Tena kizazi ya Yesu. On remonte jusque à Adam. Bana ante kutoka Adamu. Et on dit Adam est fils de Dieu. Kusema Adam ni mtoto wa Mungu. Donc en dehors d'Adam. Ni kusema zaidi Adamu. Tout être humain kiumbia kyote et à part Melchisedek tosha tu Melchisedek et la postérité de quelqu'un yeye kizazi ya mtu fulani. On s'entend bien et tu tunadisikia vizuri. Maintenant sasa en tant que postérité kama de muzaliwa wa votre destinée ujio wenu quand elle démarre wa sur la terre inaanza elle transporte au démarrage beba tena mavitu les conditions que masharti vos pères ont créées wa baba yenu wali umba. Amen. Amen. On a compris ça. Tunaelewa. Maintenant allons vers la deuxième chose. Alafu tuende kitu ya pili. Et puis je vais expliquer na tafasilia la première avec les détails. Ya kwanja pamoja tena na kishindo. Dans la première chose, kitu ya kwanja, en fait, vous êtes héritier, unakuwa mrithi des limites ou de la prospérité de vos pères. Kwa mipaka au kustawi kwa baba yenu. Le premier niveau de votre vie, atua ya kwanja ya maisha yenu, c'est le niveau que inakuwa atua vos pères avaient pendant que vous naissez. Baba yenu walikuwa na wakati mko naishi. Vous comprenez? Et c'est ça le premier niveau de votre ya vie. Ya c'est ça le démarrage de votre destinée. Kwa c'est le niveau atua qu'avaient vos parents na au moment où vous naissez. Wakati ile mulizaliwa. Amen. Amen. Maintenant la deuxième chose. Parce que tu capilles. On va voir dans la vie de Gédéon. Tu t'as honoré Macha Gidane. Et qui va nous aider tout au long de la suite. La postérité est une opportunité divine de corriger les erreurs des pères. Amen. Amen. La postérité est une opportunité divine de corriger les erreurs des pères, de rattraper leur retard et d'aller au-delà de leurs limites. Ah, on se comprend maintenant. Je vous donne un peu le décor avant de retourner à la première chose. La Bible dit que les desseins de Dieu ou les projets de Dieu subsistent de génération en génération. Pourquoi Dieu a inscrit inscrit alionesha ses projets, ses dessins dans la succession des générations. C'est parce que en cas d'erreur de cette génération, Dieu va rattraper les choses avec la prochaine génération. C'est pour ça que l'erreur d'Adam, à cette erreur-là commise, Dieu annonce déjà la postérité de la femme à venir. Ce qui vient de se faire ici, que toi, Adam, tu as échoué, je vais rattraper ça avec les générations à venir. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter, quelles que soient tes origines. Tu es d'une génération que Dieu considère comme une opportunité pour rattraper tout ce que les générations passées n'ont pas su saisir. Laisse-moi te parler en Swahili. Seulement notre Swahili de Katanga. Les choses de se lamenter. Oh, kwetu, oh, chez nous. Achabio. Arrête cela. Et puis, après que tu m'y as kwenu, faut pas fuir chez vous. Baki ako. Reste. Ben, pas sûr que tu as un coucou moutoumiche. Ils doivent savoir que tu es leur serviteur. Amen. Amen. Pasteur, nous sommes fatigués avec ces choses. Oh, la sorcellerie de chez nous. Non, ils vont dire les serviteurs de chez nous. On doit changer ce langage. Et puis que tu sois ce mutumishi là. Pour que le mutumishi. Nous allons bien nous expliquer ces choses. Tout a dit facile à visur. Mais rentrons d'abord à la première base. Est-ce qu'on peut me projeter? Genèse 49-25. J'avais entendu parler à Tanzanie. J'ai demandé le taux de dollars à la frontière, maman. La frontière. Nous sommes grandis avec ma koumine 10 000, 5 000. Je lui ai demandé dollars, c'est combien? Mais alors il me dira 1 000 francs, 2 000, 20 000. Je lui ai dit il me disait 1 250. Il me disait 1 240. Oh, Genèse 49. Verset 25. S'il vous plaît, ça c'est le fondement de toute destinée. C'est l'œuvre de qui? Du Dieu de ton père. Qu'est-ce qu'il fera? Qui te bénira. On ne dit pas qui te bénira d'abord. Il ne faut pas lire la Bible trop rapidement là. Après, pitaka mbio. Pas juste en train de feuilleter. Il faut s'y mettre. Là. Je me pose la question. Comment tu lis la Bible? Ce n'est pas comment je lis, c'est combien de temps? Je m'arrête là où tu ne t'arrêtes pas. Toi, quand tu vois engendrer, c'est seulement les engendrants. Alors, moi, je reste aux engendrants. La différence entre arrête de feuilleter la Bible. Tu dis de ton père qui t'aidera. Ok? Et puis c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Remarquez bien. On ne parle pas de bénédiction. On parle d'aide. Et quand on parle d'aide, il y a Dieu et ton père. Et quand on parle de bénédiction, il n'y a plus ton père. Il y a toi et le Tout-Puissant. Oh, c'est puissant. Vous voyez comment vous faites que la Bible. Il faut commencer à s'arrêter un peu. Amen. Amen. Ça veut dire ici que ce que tu reçois comme situation de vie au moment où tu entres dans ce monde, c'est ce qui s'est passé entre ton père et son Dieu. Ça veut dire que toute personne à son entrée sur la terre a pour Dieu le Dieu de ses parents. Nous commençons à comprendre ces choses. Ça veut dire ton père t'a donné naissance et t'a donné son Dieu aussi à ta naissance. Maintenant, ce qui s'est passé entre le Dieu de ton père et ton père, ça t'a engagé. Les gens commencent à se poser. Maintenant, une petite question. Basi swali ndogo. Si le Dieu de ton père était faux, kama Mungu wa baba yako alikuwa mwenye uongo, ça veut dire que nikusema, il est arrivé dans ta vie alifika maisha yako, qu'un faux Dieu ait influencé Mungu ta destinée. Mungu wa bongo anapasha kugusa ta ujio wako. C'est pour ça que Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Ça veut dire Gédéon, les problèmes dans lesquels vous vous trouvez, c'est les affaires de vos pères avec leur Dieu qui vous ont amené là-dedans. C'est ça. Amen. Amen. Israël avait abandonné le vrai Dieu. Ils ont adopté Baal, un faux Dieu. Et le père de Gédéon, papa Joas, était consacré à Baal. Il a même dressé un autel dans leur parcelle. C'est qu'il y avait culte de Baal dans la famille de Gédéon. Vous comprenez ces choses-là? Maintenant, regardez l'impact de Baal sur la manière de penser de Gédéon quant à lui-même. Quand Dieu l'envoie, il dit à Dieu, je suis le plus petit de la plus petite tribu en Israël. Et je suis même le cadet de la maison. Ça veut dire, dans la tête de Gédéon, tout est petit. Manassé, c'est la petite tribu d'Israël. Donc quand vous prenez Manassé, parmi les tribus, c'est la tribu cadette. Et quand vous allez chez les Gédéons, Gédéon est le cadet. Et quand vous prenez la famille de Gédéon, en Israël, là, même à Manassé, c'est une petite famille. Et qui lui a mis ça dans la tête? Baal. C'est l'œuvre ni kazi du Dieu de ton père ya miungu ya baba yako qui yenye nakuwa tedera na kusumbua. Ça veut dire ni kusema le père wa baba crée les premiers cadres de vie de leur fils. Anakuwa naonesha tena aliyakwanja kuheshimu watoto. Et les cadres spirituels. Na ile tena utungo wa kiroho. Et les cadres socio-économiques. Na hata tena mambo ya biashara na ifuatayo. Amen. Amina. Spirituellement parlant, il y a des gens dont les problèmes ont commencé par le fait qu'ils sont nés de la famille où ils sont nés. Le fait de naître déjà de la famille où il y a Baal, et il y a un hôtel de Baal Dans la concession familiale, les Gédéons étaient limités. Maintenant, ce qui est terrible, c'est que les Baals là, en allant installer leur système occulte chez les Gédéons, ils bloquaient tout Israël. Parce que Gédéon est le vaillant héros qui doit libérer le peuple aussi longtemps qu'il est lié. L'avenir de la nation est bloqué. Amen. Amina. Vous connaissez le possédé de Gadara. On a joué à vous lisez la Bible. On a somme Bible na joie. Posez-vous un peu la question. Quand Jésus pose la question au démon, qui es-tu? Quelle est la réponse? Je suis Nico Légion. Légion. Ça veut dire nous sommes plusieurs. C'est Matuko wa wingi. Et les gens dans l'armée romaine, c'est 6000 soldats. Ça veut dire l'homme de Gadara avait au-dedans de lui 6000 démons à peu près. Bien-aimé, il n'y a posséder pas d'autres personnes qui devraient aller posséder pour que 6000, enfin que les 6000 personnes restent tellement à cet homme de Gadara. Le genre de possession là signale le type de destinée qu'on bloque. Pourquoi 6000 pour s'acharner sur une personne? C'est parce que cette personne-là vaut plus que 6000. Maintenant, pour preuve, lorsque Jésus le délivre, il lui dit, va chez toi, dans ta maison, et va rendre témoignage de ce que l'Éternel a fait pour toi. N'est-ce pas? Lui, il est allé où? La Bible dit, il s'en alla dans la décapole. Décapole, ça signifie 10 villes. Déca, 10. Il est nakua town kumi. Police ville. Police ville. Décapole, c'est une agglomération inakua wingi de 10 villes. Yama town kumi. Jésus lui a dit, yes, kamambia, va chez toi. Wende kwako. Il accomplit spirituellement mukiro, que chez lui, kusema kwake, c'est 10 villes ni town kumi, qu'il doit couvrir avec l'évangile. Na et les 6000 démons là, mapepo elfu sita, en bloquant une personne, empêcher 10 villes d'entendre l'évangile. Vous comprenez pourquoi? Quoi? On est allé installer Baal chez les Gédéons. Amen. Amen. Vous la comprendrez, hein? Vous avez compris? Que la sorcellerie qui a commencé chez vous, pour l'amitié 60, vous a tellement fait souffrir. C'est le signal que chez vous, il y a le choix de et Dieu. Et une fois que tu et sais affronter ta destinée chez vous, tu peux libérer plusieurs. Affronte ta destinée. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un qui doit se lever et dire, finis ces choses-là, j'affronte la tu commences à comprendre. Hein? Tu dois apprendre à lire la grandeur de ta destinée et de la destinée de ta famille à partir de l'intensité des problèmes que l'on a créés. Les problèmes qu'on a créés chez vous, leur intensité sont la révélation de la grandeur de la destinée que Dieu vous a fixée. Voyez même notre pays, tout ce qui nous arrive, on a déjà vu qui nous devons être. Mais bien aimé, nous devons apprendre à nous lever et à affronter notre destinée en tant que nation. J'espère que quelqu'un me comprend ce soir. Et la vérité aussi maintenant, sur le plan social. Alitena ya kuishi kawaida. Il y a certaines personnes aussi. Kuna watu wengine. Tout leur malheur. Ole ya ote. Social. Inakuwa tena mhali ya kuishi. Socialement parlant. Au tena mkusema vile. Commence par le fait qu'il est né là où il est né. Inaanzia mufazi ila alizaliwa. Ça veut dire il est pauvre sans avoir travaillé, bila kutumika, sans avoir échoué, bila kushindwa, parce qu'il est né dans une famille kwa pauvre. Jali kwa mukizazi kwa maskini. Donc, utumike, utumike, mais tu es encore pauvre. Il y a des gens, kukobantu, socialement parlant, basi mukusema tu, tout ce qu'ils ont reçu comme démarrage, yote walipokea kama tena, il est né là où il y a des choses, il n'a rien fait. Kitu. Tout ce qu'il a fait de spécial dans sa vie, yake, c'est d'être né. Ilikuwa tu ni kuzaliwa. Amen. C'est comme ça la vie est. Maintenant les défaitistes, hein, pour qu'on termine. Alors quoi dire comment Lisa? C'est les gens de personnes qui se posent des questions. Ni watu wanajiswali. Mimi sikuzali kwa kiko. Pourquoi moi je suis pas né dans telle famille? Je ma question ya ovyo ile. Usha kuzali kwa. Vous êtes déjà né. On a voit ça Nicodème, non, lui, ça est devenu comme Nicodème qui demandait à Jésus, il faut encore rentrer dans les ventres de ma maman pour encore naître de nouveau. Tu es déjà né, c'est fini pour toi. C'est là chez vous, c'est là. Il ne faut pas fuir. C'est là. Et puis, tu dois apprendre à confesser. On a pas chaque diffusé que toute grâce excellente. C'est ma yote ya kubwa. Et tout ton parfait. Na yote yenye na kuwa descend d'en haut. Ça veut dire. Toke jo, si Dieu a voulu. Kama Mungu que je naisse là où je suis. Nizaliwe mule nisha kuzaliwa. Il n'y avait pas meilleur endroit si ce n'est là. Na fazi ya mzuri kama ina mule. Même si il y a une misère. Hata kama kuko ole. Comme celle de chez les Jabez. Kama iyo tena Jabez. Hey, la Bible le déclare. Biblia yanatangaza. Jabez était considéré dans sa famille. Parce que sa mère l'a eu dans la douleur. Mama yake et lui donna le nom de Jaébet. Lisez bien. Musome mzuri. La Bible. Biblia. Vous rendrez compte que chunguza en Israël, Muisraeli, la femme ne donne jamais muke de nom. Kuleta jina. Si on lui a donné le nom kama walimpatia jina, et qu'on l'a eu dans la douleur, na walimupata mutabu, ce n'est pas la douleur de l'enfantement. Tabu ya kuzana, c'est la douleur de l'absence de ses parents. Ya kushindwa wazazi. Baba kakukui hapo. Il avait pas son père. Si son père était kama là, baba yake il l'aurait nommé. Alipasha kumupa jina. Soit il est mort, pali, ashakufa, soit il les a abandonnés, ao, et tu, la maman l'a eu na mama alimupata, toute seule yeye dans yewe, des conditions difficiles mubasharti ya nguvu, et lui a donné na le nom de jina, Jaibet. Jaibet. Mateso. La souffrance. Maman ke kusarkwa wa Kiemba, na sa maman c'est comme si elle était de celle de Kiemba là. Où ni Mateso. Non, celle-ci c'est juste la souffrance. Sarkwa Congo. Si il était c'est de bas Congo. Il allait lui appeler Makiadi. Il se rappelait comment est-ce que son mari a pris fuite. S'il était celui de Kassai, il allait lui appeler Mashibaki. Wow. Vous voyez ça? On a honte. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est par là qu'on va terminer. Nous allons continuer demain. Demain, il ne faut pas s'en sentir. Parce que l'objectif, c'est la restauration. Jabet, on lui a donné ce nom. Jabet, tu ne peux pas dire Jina. Il n'a pas accepté de le subir. N'accepte pas de subir les limites de tes origines. Même si on t'a donné un nom en rapport avec ces limites-là, n'accepte pas de les subir parce qu'il y a une possibilité de faire la différence. Et ce soir, si tu es Jaébès, apprends à invoquer l'Éternel. Pasteur, les gens sont différents. Jaébet na Isaac. Jaébet est différent. Ils sont différents avec Isaac. Isaac n'a pas de problème d'argent. Isaac a des problèmes quoi faire avec l'argent. Isaac a quoi natatizo ni nini tafanya na makuta. Tafo nini na ibi makuta. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Si ma papa m'a laissé tellement, Dieu m'a donné vraiment beaucoup. Nini. Qu'est-ce que je dois faire avec? C'est ça le problème d'Isaac. Alors, dans l'église, Isaac. Il peut y avoir un voisin qui est Isaac. Toi, tu es Jaébet. Après, il faut pas faire. Non, faut prier comme lui. Non. Non. Faites attention. Faites attention. Toi. Matthieu 6. Tu dois entrer dans Matthieu 6. Avec l'épée qui vient de Dieu. La Bible dit aujourd'hui. Léo. Attention. Non, quand vous voyez quelqu'un en train de demander même du pain, il ne faut pas le condamner, qu'il est charnel. C'est Jaébet en train de chercher de s'en sortir. Comment vous êtes Isaac? Si toi tu es Isaac, ton père a laissé quelque chose. Mais toi tu as. Non, ces choses n'étaient comme mais ça là-bas. Mais si tu es Jaébet, oh, il n'a rien laissé. Et toi, tu n'as rien trouvé. La Bible dit, Jaébet alla chercher l'Éternel. Il pria et dit, si tu me bénis, si tu étends mes limites, il est ma limite, il est ok à what? D'où vient ces limites? Au travers la vue de soi-même. Il était déjà limité, mais il n'a pas fini sa vie limitée. La Bible déclare, et l'Éternel accorda ce qu'il avait demandé. Oh! Wow, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le royaume des cieux a un département de promotion sociale, du fumier, il retire l'indigence, de la poussière, il retire les pauvres, afin de le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône pour toujours. Il y a un trône pour toi. Avant que tu ne quittes cette terre, tu iras t'asseoir sur ce trône là. Tiens-toi debout. Nous allons chercher ce Dieu là. Tiens-toi debout. Nous allons briser ces limites là. Tiens-toi debout. Nous allons sortir de ce carcan là, des limites de nos origines. Il y a un Dieu capable de le faire. Prions-le. Commence à prier Dieu. Wow. Commence à prier Dieu. Je sais que ce soir, il y a des gens qui sont nés socialement dans les malheurs, socialement dans les difficultés, socialement et économiquement, dans des limites. Et ce soir, c'est possible d'invoquer le Dieu d'Israël, le Dieu capable d'ouvrir les cieux, de te retirer de la poussière, de te retirer du fumier, oui, tu peux satisfaire le cœur qui te cherche. Oui, tu peux satisfaire. Tu en es capable. Il peut tâcher tes soifs. Il peut rencontrer tes besoins. Il peut aujourd'hui rencontrer tes problèmes. Il est capable de te guérir. Il est capable de te restaurer. Tu peux satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Prie. Tu en es capable. Tu peux satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Oui, tu en es capable. Tu peux restaurer une famille qui te cherche. Qui te cherche. Oui, tu en es capable. cherche. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Oh, oh, oh. Pour ces études, oui, tu en es capable. Tu en es capable. Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Affronter sa destinée. Bambana na uchiyo wako. Gérer tes pensées. Gérer tes paroles. Chunga vizuri kabisa misemo yako. Quand on pense, on parle à soi-même. Quand on parle, on exprime sa pensée. Comment tu gères tes pensées? En toi, il y a une force dont Dieu a besoin. Il est Mungu anaitajia. Pour libérer la force de Dieu. Il est atose nguvu ya Mungu. Sois une destinée de bâtisseur. Wewe unakuwa na ujio ya wajengaji. Renverser, c'est une transition. Et kupitia tu ni kwa mpito bure. C'est comme ça que Jabez a prié. Yomana, Yabeti aliweza kuomba. Pour entrer dans sa destinée. Ili ingie katika kifikio yake. Il n'a pas accepté les choses qu'il a héritées. Akukubali vile aliweza kurithi. Il a compris qu'il pouvait changer. Alikubali kama naweza kubadilisha vitu. Tout peut être changé sur la terre. Yote vinaweza kubadilika hapa dunia. Faut-il comprendre ces choses? Vous allez couler au maneno haya. Oh bien-aimé. Basi mupendwa. C'est des moments, des paroles, des enseignements comme ça. Ni wakati ya mafundisho kama hiyo. Je dis non, ma vie doit changer. Nasema sherti maisha yangu yeuke. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Tunaweza kuchapa makofi nguvu kabisa. Chungaji, Mungu akubariki. Eh. Ni mambo. Ah, c'est un problème. Il lance. Ah, ça commence avec beaucoup d'activités. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Oh, c'est une bénédiction. Ni baraka akika. Alléluia. Amen. Prier des choses qu'il ne faut pas rater. Kuko bitu ingine hapana kuipusa. Il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Bitu ingine hapana kuipusa. Je sentais ça déjà moi-même, j'ai couru. Kwa nashikia ndani yangu, nilikuwa nakimbia mbio. Je n'aime pas que mon chauffeur roule très vite. Sijui kama dereva wangu alikuwa anakimbia namna gani. À certains moments, je fais semblant, je dors un peu. Wakati fulani tu na pour que je ne rate pas. Mambo tu ni paka nifike. Que Dieu nous garde, on va pas faire l'accident. Mungu atuchunge mbali na msiba kitu fike. Il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Kuko vitu vingine hapana kuipusa. Passons des choses quand tu les entends. Vitu vingine kama unabisikia. Quand tu les intériorises dans ta vie. Na unabiweka ndani ya maisha yako. Les choses commencent à bouger. Pendo bitu inaanza kutikizika. Alléluia. Amen. On dit déchargez-vous de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Bana Dieu ne prend pas soin de vous. Toshe mizike yenu yote. Il prend soin de toi sans tes soucis. Et qu'on a choisi à nous, ouais, Bill, à Manungunico Yako. Oh, que de choses extraordinaires. Ah, n'est-ce pas, diable, Kabisa. Ok, nous voulons offrir, nous allons offrir au Seigneur, la croix va nous accompagner. La peine d'accompagner. Demain, parce que c'est lundi, dit à celui qui n'est pas venu. Qu'est-ce que tu as bien balayé avec lui, Léo? Viens, il ne faut pas rater. Où il y a pas n'importe ça. Nous sommes en train. C'est une semaine extraordinaire. Et Juma ya diable, Kabisa. Dis-lui, tu as raté. Moi, mais c'est Léo, on a poussé à bitu. Reviens. Qu'est-ce que tu fais? Pour affronter ta destinée. Il est. Puis qu'on va pas manquer na Ojiwa Wako. Pour changer des choses. Vitu ipate kubadilika. Pour changer des choses. Vitu ipate kubadilika. Même si tu es Isaac, viens. Ataka moyo Isaac kuya tu. Kuja na wewe. Que Dieu vous bénisse pendant que la parole s'accompagne. Mungu atubariki. Tu sais satisfaire un corps qui te cherche. Oui, un corps qui te cherche. Tu en es, oh oui, tu peux, tu peux. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oui, tu peux, tu peux satisfaire. Tu peux satisfaire. Mon cher. Oui, tu en es, tu en es, oui, tu en es capable, oui, tu en es capable, oui, tu en es capable, oui, tu en es capable, oui, tu en es, tu en es, oui, tu en es. Nous bénissons ton peuple ce soir. Merci pour la grâce. Sante kwa nehema. D'écouter ces choses. Yakusikia maneno haya. D'entendre ces choses. Yakusikia hii maneno. Soyez heureux vous qui entendez ces choses. Nini mko wenye heri mnasikia maneno haya. Oui, nous sommes heureux Seigneur. Hakika tu kwa wenye heri Bwana. Fais grâce à chacun de nous. Fanya nehema kwa kila mmoja wetu. De mettre ces choses en pratique. Aweke vitu katika tendo. Fais grâce à chacun de nous. Fanya kila mmoja nehema. De marcher en fonction de ces choses. Kutembea kadiri ya maneno haya. Je recommande ton peuple entre tes mains. Acha makutano katika mikono yako. Que l'amour de Dieu le Père. Basi upendo wa Mungu Baba. Que la grâce de notre Seigneur. Na nehema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et que la communion du Saint-Esprit. Shirika wa Roho Mtakatifu accompagne chacun. Sindikize kila mmoja wetu paka nyumbani kwake. Tunaomba mangaribi ya leo. Na ni mchina la Yesu. Na tunasema wote amina. Bwana atubariki. Tukutane tena kesho. Tu en es capable. Tu en es capable. Oui, tu en